Simple prolétaire dans une Allemagne de misère. Pays gangréné, le marxisme est son cancer. C'est le règne des utopiques, doctrine égalitaire. L'abject reniement du sang et de la terre. Trahi.